بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إن شاء الله نكتمل كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، avec le شرح لشيخ الفوزان حفظه الله تعالى. On est arrivé au chapitre, c'est le 48e cours aujourd'hui après une longue interruption. Où شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى il dit باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم وقول الله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب الآية. L'auteur qui est Cheikh l'Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab رحمه الله تعالى. Au tout premier cours, on avait fait une biographie du Cheikh l'Islam, elle est disponible sur le site, et tous les cours, pour les frères qui n'ont pas assisté au cours, tous les cours qu'on a fait précédents, les 47 cours, sont disponibles en audio et en PDF sur le site, inchallah, spfbirmingham.com. Il dit, chapitre au sujet de celui qui tourne en dérision une chose dans laquelle il y a la mention d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou du Coran, ou du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et il cite comme preuve, et la parole d'Allah le Très-Haut, dont la traduction du sens est, et si tu les interrogeais, ils diraient très certainement, vraiment, nous ne faisions que bavarder et jouer jusqu'à la fin du verset. C'est une partie du verset. De Surat Tawba, verset 65. Yaqulu Cheikh al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, sharihan, maqalahu Cheikh al-Islam, Muhammad al-Wahhab, rahimahullah ta'ala, tamamul aya. Qul, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Il dit, le Cheikh al-Fawzan, il complète ce verset, il dit, selon la traduction du sens est, dit, est-ce d'Allah, de ces versets, c'est-à-dire le Coran, et de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, que vous vous moquiez? Et Cheikh al-Fawzan, il dit, munasabatu hadha al-bab li kitab al-tawhid, c'est-à-dire que le rapport entre ce chapitre qui fait partie du kitab al-tawhid, dans lequel il s'articule, et le livre nucité. Parce que Cheikh al-Islam Muhammad rahimahullah, il a fait un livre, dont on avait dit certains mashayikh, ils disent qu'il ressemble beaucoup à Sahih al-Bukhari. Parce qu'on a le tabouib, si vous voulez, le fiqh dans le tarajum, vous avez le sujet dans le titre, et puis vous avez des preuves. Et il y a énormément de preuves, c'est un livre qui est basé que sur des preuves. Mais il l'articule d'une certaine manière. Ça fait partie de la bonne manière d'écrire de Cheikh l'Islam, Mohammed ibn Abdul Wahhab Rahimahullah. Donc ce qu'il fait chaque fois, Cheikh al-Fawzan ici, c'est qu'il explique comment chaque chapitre s'articule dans ce livre. Il dit, munasabatu hadha al-bab li kitab al-tawhid, et quel rapport entre chaque chapitre et le kitab al-tawhid dont il fait partie? Eh bien, il dit, bayanu hukmi man hazala bi shay'in fihi dhikrullah aw al-quran aw ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam wa annahu kufrun munafin lit-tawhid. C'est ça le munasaba ici. Il dit, le rapport entre le chapitre et le livre d'unicité dont fait partie ce chapitre est la mise en évidence, la clarification du jugement de celui qui tourne en dérision une chose dans laquelle il y a la mention d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou du Coran, ou du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et que c'est une mécréance qui annule l'unicité. Ici, il faut bien comprendre que c'est ce qu'on appelle un naqid. Naqidun min nawaqid l'islam. Wal'iadu billah min dhalik. Et ça, on avait déjà fait le livre de, aussi Cheikh l'Islam, Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, l'épître qui s'appelle Nawaqidul Islam. On l'avait traduite et je l'ai publiée d'ailleurs traduite aux éditions c'est quoi aux éditions Tahato, hein, édition ils vont être fâchés parce que c'est avec eux que je fais tous les livres, hein. Allez frère, vous m'aidez pas là, hein. Ça va me revenir inchallah. Mais c'est le charh de Cheikh Mohamed Bazmoul que j'avais traduit. Il est disponible de toute façon sur le site. Il est disponible publié en livre. Et il est disponible en audio et en PDF aussi sur le site. Et ça fait partie d'une des choses qui annule wa'aladu billah l'islam. On avait dit, vous vous rappelez dans le livre qu'on avait fait le charh, on avait la différence entre un naqis et un naqib. Un naqis, c'est quelque chose qui diminue la foi, mais qui n'annule pas la base de la foi. C'est-à-dire que la personne reste croyante, même si sa foi est diminuée. Comme un grand péché, par exemple. D'accord. Ici, on parle d'un naqib avec un bad, c'est-à-dire qui annule complètement la foi, l'adou billah, c'est-à-dire que la personne, même si elle était croyante précédemment, et qui commet un annulatif, eh bien, à ce moment-là, elle sort de l'islam, l'adou billah. Et ça, c'est le hukm général, et on avait fait la différence, hein, en beaucoup de cours, entre la différence entre le hukm général et le hukm sur un individu particulier. Et donc ici, il dit, et puis il va s'attacher à étudier chaque partie de, si vous voulez, chaque mot ou chaque partie de terme de vocabulaire ici. Il dit, Babu man hazala ila akhirihi. C'est-à-dire qu'il va expliquer ces termes-là. Et il dit, Ey, Bab, bayan hukm man fa'ala dhalik. Ce qu'il faut comprendre ici quand on dit Babu man hazala, eh bien, c'est-à-dire le chapitre de la mise en évidence du jugement de celui qui commet cela. Parce que le chapitre, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Babu man hazala, bishi infi. Et en fait, c'est Babu hukmi man hazala. C'est-à-dire le chapitre sur le jugement de celui qui tourne en dérision jusqu'à la fin. Il dit aussi hazala, le verbe ici hazala, dont le masdar ici, al-hazl, c'est al-muzah. Souvent les mashaykh quand ils vous donnent un terme, ils vous donnent le contraire pour vous montrer comment se définit le terme et comment on l'explique. Donc le verbe hazala, on tire de ce verbe al-hazl, ou de, plutôt le masdar ici, eh bien c'est, si vous voulez, la plaisanterie, d'accord, qui est le contraire en arabe de al-jidd, qu'on peut traduire par le fait d'être sérieux, hein, al-jidd, le fait d'être sérieux. Il dit wala in. Maintenant, on rentre dans le verset wala in sa'altahum. Ici, le lam, c'est quoi le lam ici? Il dit, Cheikh Al-Fawzan, lam, lam al-qasami. Lam al-qasam. Wala in, la lettre lam ici, c'est le lam du serment, c'est-à-dire le fait de jurer, le qasam. Sa'altahum. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il parle, il s'adresse à quelqu'un. Wala in sa'altahum. Et si tu les interroges, c'est à qui ça s'adresse? Au prophète, alayhi salatu wassalam. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit Al-Khitabu l'innabiyyi sallallahu alayhi wassalam. Ay, sa'alta ha'oula al-munafiqin an istihza'ihim bika wa bil-Qur'an. Donc, sa'altahum, tu les interrogeais, cela s'adresse au prophète, alayhi salatu wassalam. C'est-à-dire, tu interrogeais ces hypocrites au sujet de leur plaisanterie à ton égard et à l'égard du Qur'an. Comme on va le voir dans la suite du livre, de ce chapitre en tout cas, quand il rapporte le Afar. Qui montre en fait le contexte dans lequel ces versets ont été révélés. Et donc, il dit ici, il continue, la yaqulunna, mu'tadirin. Ils diront très certainement, mu'tadirin, c'est-à-dire en s'excusant, en guise d'excuse. Nakhudu wa nal'ab, nakhudu wa nal'ab. Qu'est-ce que ça veut dire nakhoudou ou nalab? Nous ne faisions que bavarder et jouer. Ou nalab. Cheikh Fawzan dit ici Walam naqsid l'istihza'a wa t'takdib. Wa innama qasadna l'khawda fil hadithi wa l'la'ib. Donc nous ne faisions que bavarder. C'est ça leur excuse. Nous ne faisions que bavarder et jouer. Et nous n'avons pas eu pour intention de nous moquer ou de démentir à t'takdib. Mais au contraire, notre intention n'était que de bavarder et de jouer. قل أبالله وآياته ورسوله أي قل لهم توبيخا لهم على استهزائهم والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم إن عذركم هذا لن يغني عنكم من الله شيئا قل أبالله وآياته ورسوله c'est-à-dire dit قل c'est un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala au prophète عليه الصلاة والسلام est-ce d'Allah de ses versets le Coran et de son messager c'est-à-dire dis-leur en guise de blâme quant à leur moquerie. Et cela s'adresse au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui leur adresse cette parole. Donc Allah, subhanahu wa ta'ala, il dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dis-leur, votre excuse ne vous servira en rien auprès d'Allah le Très-Haut. Al-ma'na al-ijmali lil-ayah. Maintenant, on a vu le chapitre, qui est « Babu man hazala bi shi'in fihi dhikru Allah azza wa jil » ou le Coran, ou le Rasul, sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire chapitre 2. Au sujet de celui qui plaisante ou qui tourne en dérision quelque chose dans lequel il a mention faite d'Allah subhanahu wa ta'ala ou du Coran ou du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, on a vu qu'est-ce que ça veut dire qu'on a dit chapitre au sujet de celui qui plaisante, c'est-à-dire chapitre au sujet du jugement de celui qui tourne en dérision. Dans ce chapitre, on a montré comment il s'articule dans le Kitab al-Tawhid. Quelle est sa place dans le Kitab al-Tawhid et pourquoi il est cité dans le Kitab al-Tawhid? Parce qu'on voit que ça annule l'unicité justement. Donc c'est pour qu'on prenne garde à cela et on fasse attention pour préserver notre unicité. Ensuite, Cheikh l'Islam Mohammed Al-Wahhab rahimahullah ta'ala, il a rapporté un dalil, un verset du Coran. Quel verset? Surat Tawbah. Et Cheikh Al-Fawzan, justement, ici, il fait le si vous voulez, l'exégèse de manière très générale. Il dit le ma'na l'ijmali l'aya. يقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم لئن سألت هؤلاء المنافقين الذين تكلموا بكلمة الكفر استهزاء فإنهم سيعتذرون بأنهم لم يقصدوا الاستهزاء والتكذيب وإنما قصدوا الخوض في الحديث فأخبرهم أن عذرهم هذا لا يغني عنهم من الله شيئا. Quel est le sens général de ce verset? Allah, le Très-Haut, subhanahu wa ta'ala, il dit à son prophète, alayhi salatu wassalam, et si tu interrogeais ces hypocrites qui ont dit la parole de mécréance par moquerie, ils donneront comme excuse qu'ils n'ont pas eu l'intention de se moquer ou de démentir, mais qu'ils n'ont eu pour intention que de bavarder. إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ. Informe-les donc que cette excuse de leur part ne leur sera utile en rien auprès d'Allah, le Très-Haut, subhanahu wa ta'ala. Il nous reste à voir maintenant quel est, comme on a fait le rapport entre le chapitre et le reste du livre, il nous reste à voir quel est le rapport entre le verset et ce chapitre. Pourquoi ce verset a été cité dans ce chapitre? Eh bien, Cheikh Al-Fawzan, il dit Hafidhullah, Munasabatul ayati lil bab, annaha tadullu ala, tadullu ma'a ba'daha ala kufri man hazala bi shi'in fihi dhikrullah, ou il rasul sallallahu alayhi wa sallam, ou il Qur'an. C'est-à-dire que ce verset, le rapport entre le verset et le chapitre, eh bien, c'est que ce verset indique, avec ce qui va être cité après comme preuve, comme on va le voir dans un instant, inshallah, la mécréance de celui qui tourne en dérision une chose dans laquelle il y a la mention d'Allah subhanahu wa ta'ala ou de son messager sallallahu alayhi wa sallam ou du Coran. Mahiyal fawa'idu allati tustafadu min al-aya. Ou bien comme l'a dit Cheikh Al-Fawzan ici, ma yustafadu min al-aya. Alors, quels sont ces enseignements tirés de ce verset de Surat Tawbah? أولاً الفائدة الأولى أن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله صلى الله عليه وسلم كفر ينافي التوحيد. Le premier enseignement, c'est que se moquer d'Allah ou de ses versets ou de son messager صلى الله عليه وسلم est une mécréance qui annule l'unicité. Ici, quand on dit contraire, c'est qui annule. Hein? On est bien d'accord. ثانيا الفائدة الثانية أن من فعل الكفر وادعى أنه لم يعلم أنه كفر لا يعذر بذلك. Quiconque commet la mécréance et prétend ne pas savoir que c'est de la mécréance n'est pas excusé par cela. الفائدة الثالثة وجوب تعظيم ذكر الله سبحانه وتعالى وكتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم. Le troisième enseignement, c'est l'obligation de vénérer, ta'zim, de sublimer, vénérer la mention d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son livre et de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Quatrième faïda, et dernière pour cette partie-ci. La faïda du rabi'a, anna man talaffada bi kalami al-kufri kafara ou lou lam ya'taqid ma qala bi qalbihi. Donc là, quiconque se dit une parole de mécréance aura mécru, et c'est même s'il ne croit pas avec son cœur ce qu'il a dit. On continue toujours dans ce même chapitre avec une autre preuve. Et Cheikh l'Islam, Mohammed ibn Abdelhab, rahimahullah, il dit « An ibn Omar, wa Mohammed ibn Ka'b, wa Yazid ibn Aslam, wa Qatada, dakhala hadithu ba'dihim fi ba'd, anahu qala rajulun fi ghazwati Tabuk, ma ra'ayna mithla qurra'ina ha'ulai arghaba butuna, wa la akthaba alsuna, wa la ajbana inda al-liqa. » Yani, Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam, wa ashabahu al-qurra. فقال له عوف بن مالك كذبت ولكنك منافق لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره فوجد القرآن قد سبقه فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته فقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عن الطريق. قال ابن عمر رضي الله عنهما كاني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الحجارة تنكب رجليه وهو يقول إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وما يلتفت إليه صلى الله عليه وسلم وما يزيده عليه. L'auteur qui est cher à l'islam, Mohamed bin Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala, il dit, d'après Ibn Omar, et Mohamed bin Ka'b, et Zayd ibn Aslam, et Qatada. Et ce hadith, il est regroupé de leurs paroles, comme on va voir dans un instant, c'est-à-dire que c'est tiré de leurs différentes paroles, ce hadith de manière générale, il est regroupé de leurs paroles à l'un et l'autre. Qu'un homme a dit lors de l'expédition de Tabouk, je n'ai vu personne plus avide, ni plus menteur, ni plus poltron lors de la rencontre avec l'ennemi, que ces Qurra'a-là, que ces lecteurs-là, ces récitateurs du Qur'an-là. Et qu'il visait par cela? Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et ses compagnons récitateurs du Qur'an. Auf ibn Malik, radiallahu anhu, qui était là, il lui dit alors, tu as menti, mais tu es un hypocrite. Je vais certes en informer le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Auf se rendit alors chez le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, afin de l'en informer. Mais il trouva que, comme il dit ici, il a dit, فَوَجَدَ الْقُرْآنَ قَدْ سَبَقَهُ. C'est-à-dire qu'il a été précédé par le Coran. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il a été précédé par la révélation à ce sujet-là. La révélation divine. Donc il a dit, afin de l'en informer, mais il trouva que la révélation du Coran l'avait précédé. Cet homme en question vient donc chez le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il était monté sur sa chamelle. Ici on parle de la personne qui avait dit cette parole. D'accord? Il est venu chez le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et qui était sur sa chamelle et qui quittait les lieux. Et il dit, nous ne faisions que bavarder et parler, afin de passer le temps sur la route, hein, que la route soit plus facile de passer le temps. Ibn Omar, radiallahu anhu, il dit, c'est comme si je le voyais accroché à la bride de la chamelle du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, trébuchant sur les cailloux, disant, nous ne faisions que bavarder et jouer. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lui disait, sans le regarder, il lui disait, le verset, dit, est-ce d'Allah, de ses versets, le Coran, et de son messager que vous vous moquiez? Ne vous excusez pas. Vous avez bel et bien rejeté la foi après avoir cru. C'est le verset de Sourate Tawbah 65. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il ne regardait pas. Et il ne rajoutait rien au verset. Il ne le regardait pas, il ne rajoutait rien au verset. Il lui disait l'ayah. Maintenant, qu'est-ce que tout ça veut dire? On va le voir dans l'explication de Cheikh Al-Fawzan, hafidahullah ta'ala. Il dit Cheikh Al-Fawzan, hafidahullah, التراجم أولا التراجم لبيوغرافي دي نون كنتي سيتي سي. اللي دي ابن عمر هو عبد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. ابن عمر سي كي سي عبد الله لو فيس دو عمر بن الخطاب كان لي زغري تو دو ان كومبانيون فيس دو كومبانيون. محمد بن كعب هو محمد بن كعب بن سليم القرظي المدني وهو ثقة عالم مات سنة 20 بعد 100 هجريه رحمه الله تعالى. دونك ici محمد بن كعب بن سليم القرظي المدني qui fut un savant, ce qu'on appelle thiqah, digne de confiance, décédé en l'an 120 de l'hégire, qu'Allah lui fasse miséricorde. Ensuite on a qui? On a Qatada. C'est qui Qatada? Qatada ibn Du'amata as-Sadusi مفسر حافظ مات السنة 17 بعد 100 هجرية. نعم. ولو 3 سي زيد بن أسلم. On va revenir après, معليش. تقريبا رحمه الله. Donc il dit ici, قتادة بن دعام السدوسي, c'est un exégète, un حافظ, décédé approximativement en l'an 117 de l'Hégire, qu'Allah lui fasse miséricorde. On a laissé passer aussi Zayd ibn Aslam, qui est Mawla Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, wa huwa thiqatun mashhur, mata sana 36 ba'da 100 hijriya, rahimahullahu ta'ala. C'est qui Zayd, le fils de Aslam, Zayd ibn Aslam? Bien, c'est Zayd, le fils de Aslam, qui lui-même était le servant de Omar ibn al-Khattab, qu'Allah l'agré. Et il était un digne de confiance, thiqah, célèbre, décédé en l'an 136 de l'Hégire, qu'Allah lui fasse miséricorde. Il nous reste Auf ibn Malik, le cinquième ici. On avait fait le quatrième avant le troisième. Auf ibn Malik al-Ashja'i, awwal mashahidihi Khaybar. Wa rawa anhu jama'atun min at-tabi'in, tufiya sana 73 hijriya radiyallahu anhu. C'est qui Auf ibn Malik? C'est un noble compagnon, c'est Auf ibn Malik al-Ashja'i, dont la première bataille fut la bataille de Khaybar. Un groupe de tabi'un a rapporté le hadith de lui. Il est décédé en l'an 73 de l'Hégire, qu'Allah l'agré. دخل حديث بعضهم في بعض أي أن الحديث مجموع من رواياتهم. دخل حديث بعضهم في بعض, C'est-à-dire que le hadith est un regroupement de leurs narrations à ceux qu'on a cités ici. Qurra'ina. Al-Qurra, jam'u qari'. Wa hum 'inda as-salaf alladhina yaqra'una al-Qur'an wa ya'rifuna ma'anihi. Qurra'ina, nos récitateurs, c'est le pluriel de qari', et chez les plus prédécesseurs, ce n'est pas celui qui fait que réciter le Qur'an. C'est celui qui récitait le Qur'an et qui en connaissait l'essence. Arghabu butunan. Ou bien ici, arghaba butunan. أي أوسع بطونا يصفونهم بسعة البطون وكثرة الأكل. Regardez cette mauvaise description qu'il a donnée, le Adou Billah. Il dit أرغب بطونا, c'est-à-dire plus large en termes de ventre. C'est-à-dire qu'il les décrivent comme ayant des gros ventres et comme des grands mangeurs. عند اللقاء يعني لقاء العدو. C'est-à-dire qu'il n'a pas vu plus poltron, plus peureux qu'eux lors de la rencontre, c'est-à-dire la rencontre de l'ennemi, avec l'ennemi. فوجد القرآن قد سبقه أي جاء الوحي من الله سبحانه وتعالى بما قالوه قبل وصوله إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. C'est-à-dire qu'il a vu que il a trouvé que il a été précédé par la révélation du Coran. Il trouva que le Coran l'avait précédé. C'est-à-dire que la révélation venant d'Allah au sujet de ce qu'ils ont dit avait précédé son arrivée chez le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم. إنما كنا نخوض إلى آخره أي جاء أي نتبادل الحديث ولم نقصد حقيقة الاستهزاء. Nous ne faisions que échanger des paroles, nous ne faisions que bavarder. Et nous n'avions pas vraiment comme intention de nous moquer. النسعة, on a dit نسعة ناقات رسول الله صلى الله عليه وسلم, c'est quoi النسعة? C'est un سير مضفور عريض تشد به الرحال. C'est une bride tressée, large, par laquelle on attache les montures. C'est à ça qu'il s'est accroché pour s'excuser auprès du prophète Assalam et dire que nous ne faisons que bavarder et jouer. Quel est le sens général de ce athar qui est cité par Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abdouhab Rahimahullah dans ce chapitre? يقول شيخ الفوزان حفظه الله تعالى يصف هؤلاء الرواة ما حصل من المنافقين من الوقيعة برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والسخرية بهم وذلك لما تنطوي عليه قلوب هؤلاء المنافقين الكفر والحقد وقد أظهر الله ذلك على ألسنتهم فقالوا ما قالوا فأنكر عليه من حضرهم من المؤمنين الصادقين غيرة لله ولدينه ثم ذهب ليرفع أمرهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن الذي يعلم السر وأخفى قد سمع مقالتهم وأخبر بها رسوله صلى الله عليه وسلم قبل وصول ذلك المؤمن وحكم عليهم سبحانه بالكفر وعدم قبول اعتذارهم ثم جاء أحد هؤلاء المنافقين معتذرا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فرفض النبي صلى الله عليه وسلم قبول اعتذاره لأمر الله له بذلك فلم يزد في رده عليه على ما قاله الله سبحانه وتعالى في حقهم من التوبيخ والتقريع. Quel est le sens général de ce affaire? Ces narrateurs décrivent ce qui est arrivé en termes de critique et de moquerie de la part des hypocrites envers le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons. Et ce en raison de ce que contiennent leur cœur comme mécréance et rancœur. Allah a certes dévoilé cela à travers leur langue, c'est-à-dire à travers leurs paroles. Et ils ont donc proféré ce qu'ils ont proféré. Celui parmi les croyants véridiques qui étaient présents leur reprocha cela par jalousie envers Allah et sa religion, par ardeur envers Allah et sa religion. Et se rendit chez le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam afin de l'informer de leur affaire. Mais celui qui connaît les secrets les plus cachés, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, avait entendu leurs paroles et en a informé son messager sallallahu alayhi wa sallam avant l'arrivée de ce croyant. Et Allah le Très-Haut jugea de leur mécréance et de la non-acceptation de leur excuse. Puis l'un de ces hypocrites vint chez le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'excusant. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam refusa d'accepter son excuse en raison de l'ordre d'Allah qui lui fit donner à ce sujet. Et il ne rajouta rien dans sa réponse à ce que Allah le Très-Haut a dit à leur sujet en termes de blâme et de reproches sévères. Quel est le rapport maintenant entre le athar et le chapitre? مناسبة الأثر للباب أن فيه بيانا وتفسيرا للآية الكريمة. Le rapport entre le athar et le chapitre est qu'il y a dans ce athar l'explication et l'exégèse du noble verset de Sourate At-Tawbah. ما يستفاد من الأثر؟ Quels sont les enseignements tirés du athar؟ أولا بيان ما تنطوي عليه نفوس المنافقين من العداوة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. La mise en évidence de ce que les forts intérieurs des hypocrites contiennent en termes d'inimitié envers Allah subhanahu wa ta'ala et son messager sallallahu alayhi wa sallam et les croyants. Thaniyan, أن من استهزأ بالله وآياته ورسوله فهو كافر وإن كان مازحا. Celui qui se moque d'Allah subhanahu wa ta'ala ou de ses versets ou de son messager sallallahu alayhi wa sallam est un mécréant. Et ce même s'il plaisantait. ثالثا أن ذكر أفعال الفساق لولاة الأمر أو لولاة الأمور ليردعوهم ليس من الغيبة والنميمة بل هو من النصيحة لله سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين وعامتهم. Faire mention aux dirigeants des actions des pervers, ici le Fussaq, c'est-à-dire ceux qui sont sortis d'obéissance à Allah, subhanahu wa ta'ala, le Fussaq, afin qu'ils les en empêchent, n'est pas une médisance, ni le fait de colporter la médisance, un namima. Mais au contraire, cela fait partie du conseil à Allah et à son messager, sallallahu alayhi wa sallam, et aux dirigeants des musulmans et à la masse des musulmans. Rabi'an, al-ghildatu ala a'da'i Allahi wa rasulihi, sallallahu alayhi wa sallam. La dureté envers les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Cinquième faïda, la faïda tul khamisa, anna min al-a'dhari ma la yanbaghi qabuluh. Parmi les excuses, il y en a qu'il ne convient pas d'accepter. Sadisan, al-khoufu min al-nifaq, fa inna Allah subhanahu athbata li ha'ulai imanan qabla an yaqulu ma qaluh. Et ça, ça fait peur. Qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit la peur de l'hypocrisie, car Allah a affirmé à leur sujet la foi avant qu'ils ne disent ce qu'ils ont dit. Wal'a'udhu billah. Sabi'an, anna al-istihza'a billahi ou bil-rasul sallallahu alayhi wa sallam ou bil-Qur'an naqidun min nawaqid al-islam wa law lam ya'taqid dhalika biqalbihi. La moquerie envers Allah subhanahu wa ta'ala ou son messager sallallahu alayhi wa sallam ou le Qur'an est un annulatif parmi les annulatifs de l'islam, et ce même si la personne ne croit pas cela dans son cœur. Et avec cela, on a fini le chapitre, et on va s'arrêter à ce chapitre, parce que le chapitre suivant est... on va pas rentrer dans le chapitre suivant. Le prochain cours, Inch'Allah, on fera le chapitre suivant, mais il est assez long. Et peut-être le chapitre encore d'après, parce qu'il est court. Donc peut-être qu'on fera deux chapitres le cours prochain, Inch'Allah. وجزاكم الله خيرا والله أعلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خيرا.